Je suis juste un homme qui est faible, qui succombe souvent à la chair. J'aime les délices de la vie, ne m'en veux pas si je t'aime. Et si j'en aime une autre, est-ce ma faute? Dans ces endroits clos, elles sont toutes si jolies. Je suis juste un disciple du Seigneur. Il a dit, bois ce vin, c'est mon sang. C'est normal que le jeudi soir, je suis dans un état indécent. Et convaincu que c'est la faute de mon père, peut-elle imaginer son fils perdre la raison ainsi pour un verre? Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Je sais ce que ton iPhone cache, tu sais ce que mon iPhone cache. On s'embrouillera le lundi soir, vous serez trouvés le jeudi soir. Le jeudi soir à 22h, le jeudi soir au lélé, jeudi soir. Le jeudi soir autour d'un verre, le jeudi soir au lélé, jeudi soir. Moya hé, moya hé, moya hé. Sucre, sucre, oh, sucre, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mungwa, oh, mungwa, basenze. Chéri, atia, kama, yele, nenyon, son ambetu. Elenge, rongre, na, pekle, na, na, ye. Elenge, vanda, kana, si, mama, to, ina, ma, keko, ye. Chéri, kanga, non, na, miso, ye. Na, si, mango, na, yo, kango, na, mela, kana, na, yango. Mama, na, na. La maya moto, yeah, yeah. Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Je sais ce que ton iPhone cache, tu sais ce que mon iPhone cache. On s'embrouillera le lundi soir, vous retrouvez le jeudi soir. Jeudi soir, à 22h, jeudi soir, au lélé, jeudi soir. Jeudi soir, autour d'un verre, le jeudi soir, au lélé, jeudi soir. Mara, le rey Mago, tu es dans ma hassan là.